J'irai là quand tu ramailles, j'irai là avec ou sans maille. Désolé, je t'ai fait crier, faut que je te serre dans mes bras, j'espère que tu t'en ailles. J'ai mal au cœur, maman, j'ai mal à la tête, maman. Je veux pas que tu me laisses seul, j'suis dans tous mes états, et ouais, maman. Y'a mon frère et y'a moi, et tout le passé derrière moi. Je vais faire de l'avant pour toi, car t'es la seule qui me laissera pas. Maman, tu es ma vie, tu es mon sang, j'ferai tout pour toi, maman. Quand tu vas pas, toi mon cœur va, maman. La seule qui m'en voudra pas, la seule sur qui je douterai pas, la seule qui m'a pas lâché, et ça depuis mes premiers pas. Maman, si je pourrais, je t'offrirais une maison sur la lune. Mais j'ai appris dans ce monde de chiens que ce qui fait l'homme, c'est pas la thune. Pour toi, je donnerai ma vie, mais tu sais que mon frère, pareil. J'en ai marre de ces problèmes, j'arrive plus à dire que j'aime mon cœur sans règle. Maman, tu es ma vie, tu es mon sang, je ferai tout pour toi, maman. Et y'a des hauts et y'a des bas, quand tu vas pas, quand mon cœur va. Tu es ma vie, tu es mon sang, je ferai tout pour toi. Merci bien la chorale du Vin Gospel. Du bruit. Et merci Nikos. Et grosse merci à la chorale du Vin Gospel. Faites du bruit, NS1. Ouais, ouais, ouais. Et merci bien, Nikos. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça va être chaud patate. Là, ça va péter. Ça va péter. Oh. La team Joule. Oh, la team Joule. Oh, la team Joule. Merci bien la team Joule. Ma team, d'abord je voudrais bien dire et merci bien Nikos, car là, ma team, on est en direct sur TF1, sur PV, on est en direct là, on est en direct. Donc je compte sur vous, c'est maintenant qu'on fait sur le stade, hein. Et n'oubliez pas mon nouvel album extraterrestre, hein. Il est sorti hier, hein. Merci la zone. Et merci bien, Deck.